Bientôt ce sera l'attente, la peur, et le nom de Fukushima résonnera aux oreilles du monde entier, comme celui d'un cauchemar éveillé. La vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le tsunami continuera de frapper, presque sans force, presque exténué, de l'autre côté de la planète. Il sera épuisé, presque muet, à bout de course, presque rien. Une vague d'une trentaine de centimètres. Encore de quoi renverser un homme et le jeter à terre. Autour du monde. Autour du monde. De Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Cinquième épisode. Siafik est ingénieur. Il travaille pour un groupe mondial de construction de ponts et d'autoroutes basé à Kuala Lumpur en Malaisie, où il vit la plupart du temps. Il supervise les chantiers, participe à l'élaboration des projets, c'est pourquoi il est à Moscou depuis une semaine. Mais pour l'instant, dans sa chambre d'hôtel, Siafik ne pense pas à son travail. Il regarde parfois la neige, mais maintenant c'est encore la télévision qui attire son regard. Les images d'un village du nord-est du Japon. Une immense plaque noirâtre a envahi le flanc d'une colline, comme si elle avait été crachée là, comme une nappe de détritus. Puis des arbres couchés et ceux qui ont tenu mystérieusement. Ce bateau suspendu à la cime d'un pin aux branches déchiquetées. Cette histoire qu'on raconte sur une miraculée sauvée par cette doudoune qui lui aurait servi de bouée et qu'on voit enroulée dans des couvertures, debout, à garde, sidérée, et seule dans un monde ravagé où elle reste l'unique point de verticalité. Qui est cette fille? Peut-être qu'il a croisé des gens qui sont morts pendant ce tremblement de terre, pendant le séisme, pendant le tsunami. Il lâche un soupir de compassion, de lassitude. Il se souvient du tsunami en Thaïlande. Et maintenant, c'est comme s'il se disait « je préfère ne pas savoir ». Il prend la télécommande de la télévision et dans le même mouvement, il l'éteint et d'un bond se lève et décide de se préparer. Allô ? Monsieur Siafik ? Oui ? Vous êtes attendu dans le hall de l'hôtel. Merci, j'arrive. Stas est devant le comptoir du lobby et il n'a pas changé du tout. Salut. Salut. Je suis désolé, mais on ne pourra pas se voir. Ma femme est à l'hôpital et je pense qu'elle aura accouché d'ici demain. Ah, c'est formidable, Stas. Tu sais si c'est un garçon ou une fille? Non. Stas avait dit d'un air suffisamment malin et presque audacieux que pour lui, les sexes n'avaient jamais eu aucune importance. Siafik avait répondu par un sourire qu'il avait trouvé un peu trop équivoque, comme s'il avait espéré que ce sourire pourrait rompre la glace de cette conversation figée et pour tout dire parfaitement déplaisante, tu me préviens ? Qui s'était terminée par une poignée de main vigoureuse et des regards fuyants et des mots stupides de part et d'autre. Stas, souhaitant une bonne fin de séjour à Moscou, a un Siafik sidéré d'entendre des mots aussi convenus et lui répondant par des mots qui l'étaient tout autant. Bonne fin de séjour à Moscou. Merci. Et puis, sans un regard, Stas s'était engouffré dans la porte à tambour et avait disparu de l'autre côté, dans la rue, dans le froid, le blouson de cuir et le bonnet tout de suite tacheté de gros flocons blancs qu'il n'avait pas même voulu chasser. Le dos courbé, il était parti presque en courant, le corps comme cadenassé sur lui-même. Après ce rendez-vous raté, les mots de Stas résonneront dans le cerveau de Siafik comme des coups de poing qu'il aura du mal à encaisser. Il ira se promener sur la place rouge. Il aimera se perdre et se laisser guider simplement par le plan qu'il s'était griffonné au feutre rouge sur un papier A4 avec des lignes et des points. Des réseaux comme il savait en construire et les penser pour se repérer dans des labyrinthes où entrée et sortie étaient l'une et l'autre impossibles à trouver. Et lorsque la nuit tombera, qu'il sera exténué parce qu'il aura marché pendant des heures et des heures, s'usant au contact de la ville comme un corps au frottement d'un tissu trop rêche pour lui, il finira par s'asseoir dans un McDonald's comme il pourrait le faire partout dans le monde. Et puis soudain, son téléphone qui vibre. Un SMS de Stas. « T'es où ?» Il hésite à répondre, puis tape « Chez McDo ». Alors, Stas, typiquement moscovite. Siafik reconnaît l'humour de Stas, et puis soudain les SMS arrivent par rafale. 2, 3. Siafik n'a pas le temps de répondre. C'était con ce matin. Je regrette. Je bois des coups. Tu fais quoi? Je viens. Stas n'allume pas la lumière. Maintenant tout va très vite. Des souvenirs que Siafik gardera comme des icônes profanes et volées. Un ciel doré et orange, trouble, sale, une lumière de braise dans les cadres des fenêtres. Seulement la nuit, la neige, les lampadaires, la porte qui se referme, le clic, un verrou, double tour, l'odeur particulière de l'appartement, les lumières orangées qui éclairent la nuit et la nuit qui éclaire l'appartement. Stas, Siafik, le mal au ventre, le bouillonnement dans son ventre, sa tête qui va exploser, son cœur qui bat si fort. Stas approche. Ils se regardent tous les deux. Et un temps, on ne fait rien. À quelques centimètres l'un de l'autre. Stas qui se met à rire. Tu veux boire quelque chose? Et Siafik répond oui. Il veut bien. De l'alcool. Oui, quelque chose de fort. Saouler à la russe. Stas veut servir, il n'y arrive pas. Il tremble. Siafik pose sa main sur sa main. Il se regarde. Il pose la bouteille. La main sur la main et cette chaleur. Cette main. Les doigts qui se cherchent et tout de suite ils sont sur le sofa. Siafik ferme les yeux et bientôt il sent les lèvres de Stas qui lui frôlent le cou, le lobe de l'oreille. Stas lâche un murmure, du russe. Des mots de russe ruissellent dans son oreille et ont la suavité et la chaleur de la voix de Stas. Siafik tremble et maintenant il voudrait hurler et ses mains plongent dans les cheveux de Stas et les bouches se cherchent et les bouches se trouvent et les langues se confondent et les dents s'entrechoquent et les poils de la barbe de Stas sont si rêches, si raides, si durs que la peau de Siafik s'embrase à leur contact. Stas est sur lui, ils s'effondrent l'un sur l'autre et bientôt toute la pièce n'est qu'un râle. Le téléphone soudain déchirera la nuit. Un instant, l'un et l'autre figés, le corps glacé soudain alors que la transpiration et le sperme n'auront pas fini de sécher sur eux, qu'ils seront encore bercés l'un et l'autre par la sensation des corps se pressant, l'un contre l'autre, l'un en l'autre, la pression des mains, des bras, les tensions des cuisses contre les cuisses, et il faudra... Il faut soudain que Stas se relève, et en titubant, il prend le téléphone et entend sa voix inquiète qui demande « Alors, alors ?» Et il conclut par un rire très rauque, et son rire est vrillé soudain par un sanglot. Siafik déjà se rhabille, et il regarde Stas. Il est heureux pour lui, vraiment. Il se dépêche, et puis Stas raccroche, et la voix émue, bouleversée, dit « C'est un garçon. » « Je suis content pour toi. » Il prend le visage de Siafik entre ses mains, et l'embrasse à pleine bouche, et son visage resplendit de bonheur, et Siafik aussi est heureux. Il est heureux pour Stas, sans arrière-pensée, sans rien d'autre que le bonheur de le savoir heureux, même s'ils savent que ce moment, ils ne le partageront pas davantage, que maintenant c'est fini. Stas sait combien il est saoul, combien il est bouleversé, combien il a peur aussi de tout ce qui va arriver d'ici quelques minutes quand il faudra se présenter à l'hôpital et rejoindre la mère et la sœur de sa femme. Quand il faudra aller voir le nouveau-né et ne pas céder à l'envie si forte de pleurer. Montrer qu'on ne pleure pas, garder son sang-froid. Rire aussi, éclater de rire. Étaler sa joie et prendre sa belle-mère et sa belle-sœur dans ses bras. Aller voir sa femme, bien sûr, mais la laisser se reposer et dormir et l'embrasser tendrement, lui disant « Je suis si heureux, mon amour, mon amour, mon amour. » Et lui prendre la main, lui caresser le visage, l'embrasser. Oui, de sa bouche, sur sa bouche. Déposer un baiser sur ses lèvres avec ses lèvres qui ont encore le goût du corps de Siafik. Et maintenant, dans la voiture, Stas voudrait se dépêcher d'arriver devant l'hôtel de Siafik. Il voudrait qu'on ne reste pas tous les deux des plombes à se promettre des retrouvailles qui n'arriveront sans doute jamais. Nous ne nous reverrons jamais. C'est ce qui est mieux, se dit Stas, au moment où déjà il aperçoit l'avenue où l'hôtel de Siafik attend dans un halo lumineux et blanc, avec les drapeaux des grandes nations qui pendent, inertes dans le froid, alors que la neige maintenant ne tombe plus et qu'elle a été déblayée sur les grandes artères. Comme si tout désormais était fait pour que Siafik et Stas se séparent au plus vite et que chacun retourne à sa vie, son histoire, et que puisse se profiler un lendemain où l'un et l'autre ne seront plus rien qu'un souvenir fragile et entêté qui s'obstine dans un coin secret de leur cerveau. Et ça, que ni l'un ni l'autre ne peuvent encore savoir. Comment dans 3 jours, peut-être 4, près du sofa, Stas trouvera un bout de papier plié en 4, quelque chose au stylo feutre rouge, comme un quadrillage, un plan de Moscou, quelques artères, des places et puis des indications, place rouge, Kremlin, Gorki. Et le papier restera dans sa main de longues minutes. Puis, pendant de longues années, plié à l'abri des regards, quelque part entre un guide de voyage de l'Asie et un minuscule dictionnaire d'anglais, comme en ont toujours sur eux les touristes qui ne sont ni anglais ni américains, et visite des pays dont l'anglais n'est pas la langue. Mais l'anglais est la langue de tout le monde. Elle glisse dans les valises comme les cartes postales et les souvenirs. Monsieur Arroyo vit à Dubaï depuis trop longtemps. Il n'est pas un touriste. À moins que le tourisme ce soit seulement se sentir à côté des autres, en spectateur, en invisible. Chez Monsieur Arroyo, aux Philippines, on doit regarder la télévision comme lui, mais en s'inquiétant presque exclusivement de ce qui se passe au Japon, parce que les tsunamis sont fréquents en Asie. Monsieur Arroyo pense qu'à Dubaï, au moins, il ne craint pas les inondations. Et puis là, comme depuis que la Française est arrivée et s'est installée avec son fils dans une des chambres du grand hôtel pour lequel il travaille, la chance de vivre à l'ombre de très belles femmes, dont il lui semble parfois que certaines le regardent avec insistance. Sans doute pas du désir, mais une sorte d'émoi. Comment pourrait-il nommer ce frémissement qu'il pressent ? La Française est arrivée avec son fils depuis déjà 4 jours, et tous les matins, ils viennent nager et barboter dans l'eau quelques minutes, avant de demander à M. Arroyo des serviettes, puis parfois de les prendre en photo lorsqu'il nage. Comme des milliers de Philippins, M. Arroyo vit à l'étranger depuis trop longtemps. Il était resté près de 4 ans à naviguer sur l'Odyssée, un grand paquebot en pleine mer du Nord, avant de revenir vers le Sud. Il avait servi une population dont, du temps de son enfance et de sa jeunesse, il avait à peine soupçonné l'existence. Une élite dont la vie était taillée dans le rêve. Une vie faite d'oisiveté, d'insouciance, des gens qui semblaient chez eux partout et n'avaient pas le moindre problème avec des passeports, des justifications, des employeurs. À vrai dire, un monde étrange, mais dont il était bien content qu'il existe, puisque c'est par lui qu'il avait trouvé les moyens de sa propre subsistance. Monsieur Arroyo sait qu'être là, à l'ombre de la richesse, c'est déjà être presque riche soi-même, que l'ombre du soleil est déjà presque le soleil. Et c'est pourquoi il était là, au bord de l'eau, ou parfois même le plus souvent lui-même dans l'eau, dans un grand parc artificiel, prêt à bondir pour aider. C'est d'ailleurs parce qu'elle avait voulu de l'aide que M. Arroyo, avant-hier matin, avait été obligé de se pencher sur le corps huileux de la Française. Oui, madame ? J'ai une douleur là, insoutenable, au niveau des épaules, là, comme ça. Oh mon Dieu, mais j'ai tellement mal. Je peux quelque chose pour vous ? On s'ennuie tellement. Vous avez votre fils ? Il s'ennuie autant que moi. Et son père nous rejoint que dans 2 jours. Ça fait longtemps que vous travaillez ici. Enfin, oui, j'imagine. Ainsi, il avait été surpris que cette Française s'intéresse à lui. Lui demande depuis quand il travaillait ici. Lui dit qu'elle aimait beaucoup la couleur de sa peau et la blancheur de ses dents. Lui répète encore qu'elle s'ennuyait tellement, elle en mourrait, c'est sûr. Il n'y a pas tant de choses que ça à faire à Dubaï. La mer, la mer, la mer. La mer, la mer, la mer. Elle avait tellement besoin de voir la beauté du monde. Elle parlait et avait enduit les mains de M. Arroyo de crème pour qu'il lui masse les épaules. Il écoutait la Française pendant que son fils avait décidé de rentrer à l'hôtel. Elle lui avait demandé dans leur langue « Où vas-tu, mon petit Paul ?» Il avait répondu qu'il en avait assez de tout ça, ce soleil, ces glaces, ces sirops de fraises, ce manga débile, cette huile solaire, les bavardages de sa mère. Oui, mon fils, je sais pas. Là, c'est compliqué. C'est un enfant si triste, vous savez. C'est terrible, hein, un enfant aussi triste. Oh. Vous avez des enfants, vous ? Pas encore, madame. Quand il pourra repartir, il oubliera ceux qui sont très gentils et très bons et le mettre dans un embarras plus grand encore en lui demandant d'où il vient, ce qu'il fait là, s'il a une famille qui l'attend quelque part. Cela le piétine avec une bonne volonté admirable de mansuétude. Et s'ils sont humiliants à force de l'interroger comme un enfant ou un malade mental, ils ne pensent qu'à s'intéresser à celui qui, pour eux, est un dépaysement total. La Française voulait savoir s'il n'était pas trop exploité, s'il avait des droits sociaux, des avantages, quel genre d'avantages. Elle aurait sans doute apprécié qu'ils lui disent qu'il avait parfois celui de frotter les épaules d'une belle et riche Française qui avait l'air de s'ennuyer et d'espérer qu'on la console. Mais il n'avait rien dit. Mais il n'avait rien dit. Il n'en avait d'ailleurs pas eu besoin, car à un moment, elle s'était retournée vers lui. Et il avait vu sur le visage de cette femme, ses yeux brillants et avides, sa bouche tremblante, quelque chose entre l'émotion et l'envie de pleurer. Une sorte de fragilité compensée par une force. Un désir qui animait les traits d'une vigueur et d'une puissance qui l'avait presque impressionné tant elle donnait à la Française une force désirable. Oui, qu'elle n'avait pas quelques minutes encore avant qu'il vienne lui masser les épaules. Il avait eu un moment d'arrêt. Un temps pendant lequel il avait simplement relevé sa main, loin du contact de la peau de la touriste, ses doigts écartés, comme suspendu. Il s'était regardé pendant un temps assez long. Très long. Embarrassant. Qu'elle avait voulu rompre. Et elle s'était remise à parler et avait ri en disant « J'aime la beauté. J'aime la beauté. J'aime tellement la beauté. » Quand il pourra repartir aux Philippines, Monsieur Arroyo imagine qu'il sera plus que temps de fonder une famille, de s'asseoir et de raconter à des enfants émerveillés le monde qu'il a connu et qui est un monde plein de surprises et d'objets étranges, fait de créatures de rêves et d'hydres monstrueux, de femmes magnifiques comme des déesses et cruelles et hautaines, perchées sur des talons aiguilles. Et des messieurs aussi, des rois, des émirs, des princes, des gens dont la richesse dépasse l'idée même de richesse. Il s'imagine qu'il prendra le temps de raconter comment, tout jeune homme, il avait embarqué pour changer de vie, très loin de la misère et d'un monde sans avenir. Et qu'il était revenu. Et que maintenant, il pouvait certifier qu'il avait travaillé à Dubaï, dans un endroit étrange où les touristes venaient par dizaines visiter non pas des monuments ni des animaux extraordinaires, mais qu'ils venaient de leur hôtel visiter d'autres hôtels. Qu'ils venaient de chambres faites de marbre et d'or pour visiter des chambres avec plus de marbre et plus d'or encore. Qu'ils avaient pour quelques heures laissé en jachère de vastes espaces pour aller visiter des hôtels si haut perchés dans des tours si hautes qu'il faudrait vraiment être très doué pour imaginer comment, de là-haut, le regard se perd si loin que l'idée même d'horizon semble une idée à courte vue. Monsieur Arroyo ne se pose pas de questions. Tous les soirs, contrairement aux touristes qui vivent leurs rêves en venant dans un pays qui est une bulle de savon sophistiqué, fragile, improbable, les gens comme lui espèrent retrouver une île, la leur, très lointaine, où la vie n'est faite ni d'or, ni de marbre, ni de tours les plus hautes du monde, en se disant qu'aucun paradis ne vaut un chez-soi. Car Monsieur Arroyo ne veut d'autre pays que le sien pour finir sa vie. Et parce qu'il pense que le mariage et l'amour sont un monde à part entière, il rêve de fonder une famille et de vivre ce voyage inoubliable, magique, magnifique et éblouissant, un retour chez lui comme les plus beaux voyages de noces. Un voyage comme celui que vont connaître Denis et Dorothée, jeunes époux s'élançant dans la vie comme dans la grande aventure d'un monde nouveau. Comme de Dubaï aux chutes du Niagara, il n'y a que le temps d'un souffle, d'un clignement de cils. Et cette fois, c'est le grand saut. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit cette fois, nous y sommes. Oh oui. Comme je suis heureuse, mon amour. Quel mariage. Que c'était un beau mariage. Magnifique, mon amour. Tu étais heureux ? Pourquoi tu le demandes ? Tu as l'air toujours tellement insatisfait. Exigeant, ma chérie, exigeant. Oui, c'est ça. Tu es tellement exigeant. Tu as vu comme ils étaient impressionnés ? Comme s'ils n'avaient jamais cru que tu puisses être aussi belle. Oui. J'ai bien fait de t'écouter. Ah. Tu vois ? Je reconnais. Tu es tellement sûre de toi. Et toi, tu peux être tellement belle quand tu veux. Enfin, si seulement tu voulais m'écouter plus souvent. Pas seulement pour la robe, mais reconnais, tu fais semblant de ne pas m'entendre. Mais c'est dommage que tu traînes toujours avec ton vieux jean et ce t-shirt gris, là. Alors quoi ? Rien, mon petit chat. Si, vas-y, qu'est-ce que tu as ? Tu insinues... Mais non, voyons. Je devrais m'habiller autrement, c'est ça ? Quelque chose comme la femme de John, avec des décolletés et des trucs affriolants, c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, la femme de John ? Parce que elle... T'as encore des choses à dire sur la femme de John, franchement ? Dire que c'en est une. Une quoi ? Tu le sais très bien. Une quoi ? Dis-le, Dorothée. C'est simple, Denis. Dès que tu parles d'elle, tout le monde ricane dans ton dos. Si tu écoutais mon lirago... Chérie, j'ai des yeux pour voir. Tu me fais encore une scène avec ça, Dorothée ? C'est absurde. C'est ridicule à la fin. D'accord, tu as raison, je m'emporte. C'est l'excitation. Toute cette émotion, c'est tellement... Passons à autre chose. Oui, d'accord. Je voulais te demander... Oui, mon amour. Tu penses vraiment que je crois ça ? Que tu crois quoi ? Oh, tu sais bien. Non ? Mais si. Les filles. Le bureau. De quoi tu parles à la fin ? Mais si, tu sais ce qu'elles disent au travail. Que j'ai le poste parce que ma mère était la meilleure amie de la femme du chef de l'agence, c'est ça ? C'est pas ce que j'ai dit. Tu n'as qu'à pas les croire. Mais je les crois pas, chérie. Comment tu peux penser ça ? C'est à toi de me le dire. Oh, Denis, ne sois pas bête. Non, vraiment, c'est trop con. Et puis, c'est que... Moi ? Bête ? Non, bien sûr, disons... Alors ? C'est que... Tu sais... Elle se méfie de moi. Qu'est-ce que ça peut faire ? Elle m'épie. Et alors? C'est Sabine qui me raconte après. Ah. Elle. Oh, ne ris pas, s'il te plaît. Sabine est la seule avec qui je m'entends bien. Tu n'as pas à les écouter, mon chaton. Qu'est-ce qui est important, hein? Dis. Tu le sais? Oui. Oui, bien sûr, mon amour. Tu m'écoutes, moi, et ce sera très bien. Je sais, Denis, je sais. Alors? Tu as raison. Il n'y a que nous deux. Oui, mon chat. C'est ça, c'est nous. Alors arrête de trembler et de t'énerver. Oui. Mais tu sais, l'ambiance, au bureau... Je t'ai déjà dit que tu allais arrêter de travailler. Mais, chérie, j'aime mon travail. Et moi, ma femme. Dorothée, qu'est-ce qui compte? Oui, c'est nous deux. Tu t'occuperas de la maison, du jardin, des enfants. Oui. Et tu auras suffisamment à faire, crois-moi. Oui. Tu ne voudrais pas tout gâcher? Bien sûr que non, mais... C'est bien, mon chaton. Alors n'en parlons plus. Hmm? Dorothée se tait. Et sans savoir vraiment pourquoi, se met à rougir. À se sentir honteuse et presque mortifiée. Comme si Denis, en trouvant les mots qu'il fallait, avait réussi à lui creuser l'intérieur du cœur et de l'âme, et à tout dynamiter. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, vous êtes vos sièges et rangez vos tablettes. Merci. Nous allons commencer notre descente. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts, straighten your seats and put your tablet away. Thank you. Nous allons commencer notre descente. Dorothée compte jusqu'à 100 et voit qu'autour d'eux, les gens sont indifférents aux secousses de l'appareil qui glisse vers la piste. Ils lisent, ils dorment. Ils sont si calmes pendant qu'elle compte. Elle finit par se dire que décidément, Denis et elle ont des progrès à faire pour ressembler aux plus aguerris des touristes. Touristes, nous? Voyageurs, plutôt. Pourquoi? Tu veux pas qu'on prenne pour un touriste? Autour du monde, de Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Cinquième épisode. Avec Clément Hervieux-Léger, Clément Bresson, Philippe Bautier, Luce Mouchel, Jean-Christophe Dolé, Clotilde Morgiève. Composition musicale, électro et harmonique, Dominique Massa et Patrick Martinache. Contrebasse, Erwan Ricordo. Clavier, Dominique Massa. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Juliette Eman. Autour du monde est paru aux éditions de Minuit.